me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, apprendre les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les temporalités de la démocratie? Peut-on introduire le long terme alors que la préférence pour le temps présent définit la démocratie? Demande Pierre Rosanvallon. Quels sont les fondements de la révolution moderne? Comment, à partir des années 1990, la double révolution, celle des métamorphoses de l'individualisme et celle de l'avènement d'un capitalisme d'innovation, peuvent-elles susciter de nouvelles attentes sociales? Comment cette double révolution peut-elle contribuer à bouleverser les ressorts du précédent contrat social en précarisant le travail autant qu'en accroissant les inégalités? Nous voici au terme de la grande fresque que Pierre Rosanvallon a consacrée aux années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Cette grande fresque, qui a mêlé un grand récit collectif sur le temps long de l'histoire de la modernité et de l'émancipation depuis la Révolution française, à celle plus courte des années 1968-2018 et au récit plus personnel de l'itinéraire et des interrogations de l'historien philosophe du politique, a souvent pris aussi la forme d'un grand laboratoire d'idées. Il s'agit pour Pierre Rosanvallon d'ouvrir des perspectives, de sortir du sentiment d'impuissance face aux maux de la démocratie, les populismes en tête, dont il a posé la question d'une possible théorisation. Comme il l'a indiqué au cours de cette série, ce travail engagé qui articule la grande histoire et une histoire particulière vise, selon ses mots, à faire progresser la conceptualisation des phénomènes politiques contemporains. Alors que pour de nombreux citoyens, la question ne se pose plus dans les termes de ce que l'on possède aujourd'hui, mais dans les termes dynamiques de ce que l'on peut perdre ou de ce que l'on peut gagner, les travaux de Pierre Rosanvallon s'attachent également à mettre en valeur les récits de vie singulières. Dans une interview donnée à La Croix en 2014 sur l'expérience collective « Raconter la vie », sorte de parlement des invisibles pour lutter contre le sentiment d'abandon d'une partie de la société civile, Pierre Rosanvallon notait, et je le cite, « Nous avons été surpris par l'accueil enthousiaste de romanciers, de jeunes chercheurs en sciences sociales et de journalistes pour explorer avec nous les zones d'ombre, les angles morts et les conditions qui ont rendu invisible une partie de la société. » Cette invisibilité n'est pas que celle des damnés de la terre, mais celle de la réalité sociale dans son ensemble. Nous voulons qu'émergent des récits sur les nouvelles conditions de travail, sur la condition ouvrière contemporaine. Décrire aussi des lieux auxquels on attache trop peu d'importance, les hypermarchés, les petites villes en déclin. La société, c'est aussi les trajectoires, des histoires, des moments de basculement, de rupture, d'hésitation, de bifurcation. La défiance, notait encore Pierre Rosanvallon, est produite par la méconnaissance. Nous cherchons à faire reculer la société de défiance par la connaissance mutuelle. La confiance est une institution invisible. Avec la légitimité et l'autorité, elle fait tenir la société. La réalité est gouvernée par les stéréotypes et les fantasmes. Le langage politique lui-même demeure dans ce registre. Notre entreprise vise donc à terrasser les fantasmes par la réalité. et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 7 février 2018 pour le cours de Pierre-Ozan Vallon, aujourd'hui Attentes et enjeux, suite et fin. Une fois que l'on a construit l'idéal type du populisme, qu'on a défini les conditions dans lesquelles on peut définir des variétés de populisme, faire la distinction aussi entre des gouvernements et des mouvements. Cela pose la question des termes dans lesquels on peut faire la critique du populisme. La critique du populisme ne peut être menée que si c'est une discussion qui inclut les inachèvements qui la font prospérer. Le populisme ne naît pas du néant, il naît toujours d'une insatisfaction, d'une critique des démocraties existantes. Donc, on ne peut pas discuter, critiquer, réfléchir sur le populisme sans prendre en compte, en même temps, ces inachèvements qui le font prospérer. Ce qui fait la limite de ce que j'appellerais les critiques libérales du populisme. Les critiques libérales du populisme mettant en avant notamment des gouvernements populistes qui mettront en avant ces pratiques illibérales. Moi, je voyage régulièrement en Pologne et en Hongrie et cela me frappe toujours de voir dans ces deux pays que la plupart de ceux qui critiquent le régime critiquent son illibéralisme, mais ne le critiquent pas sur le terrain d'une théorie de la démocratie, sur le terrain des prétentions démocratiques. Et l'axe central de cette critique, c'est de dire que répondre aux insatisfactions de la démocratie, ça n'est pas tant la simplifier en la polarisant, mais c'est au contraire la compliquer et la démultiplier. Et c'est dans ce sens-là que moi je définirais une démocratie post-électorale. Une démocratie post-électorale, c'est une démocratie qui décline et qui démultiplie les institutions de représentation, qui fait que la représentation n'est pas simplement l'élection. Une vision post-électorale, c'est aussi une vision dans laquelle on fait rentrer en démocratie les autorités non élues. Et on fait rentrer en démocratie ces autorités non élues en définissant des conditions démocratiques de constitution et qu'il n'y a pas que l'élection comme mode de constitution démocratique, par exemple. Donc, c'est tout ce travail d'une étude des formes de démultiplication de la démocratie qui est, pas simplement la réponse, mais je dirais l'autre voie de la démocratie. Et je pense que la grande discussion sur la démocratie qui doit avoir lieu, c'est une discussion entre justement cette figure ou ces formes d'une démocratie polarisée par rapport à ces formes et ces figures d'une démocratie démultipliée et compliquée. C'est d'ailleurs un débat qui a eu un grand précédent historique pendant la Révolution française. C'est une des périodes qui est les moins connues, mais qui est les plus riches en termes de discussion constitutionnelle. C'est la période de la fin de l'hiver et du début du printemps 1793. C'est le moment qui précède et qui suit juste la publication du projet de constitution de Condorcet. Et à ce moment-là, il y a eu, c'est peut-être le moment de la Révolution française dans lequel il y a la discussion la plus approfondie sur l'idée que la démocratie n'est pas simplement réalisée par la perfection d'un seul mécanisme, mais par la démultiplication de ces mécanismes. Et notamment, par exemple, c'est là que l'on théorise la distinction entre démocratie positive et démocratie négative. C'est le moment où l'on théorise aussi la grande distinction entre la démocratie comme voix du peuple et la démocratie comme œil du peuple. La démocratie comme voix du peuple, c'est justement l'élection, les pétitions, tout un ensemble de procédures par lesquelles il y a prise de parole, décision, nomination de représentants. Et la voix du peuple, c'est évidemment une des définitions, la définition première et la plus classique de la démocratie. Mais c'est à ce moment-là aussi que se développe l'idée que ce n'est pas simplement la voix, mais l'œil du peuple qui définit la démocratie. Et d'ailleurs, dans l'iconographie révolutionnaire, à partir de cette période, on voit très souvent apparaître l'œil du peuple dans, même dans des tampons officiels, qui sera d'ailleurs quelque chose de repris dans le drapeau argentin. Le drapeau argentin comporte un œil du peuple révolutionnaire. Donc cela, je pense, à dire voix du peuple, œil du peuple, c'est-à-dire démocratie de décision et démocratie de surveillance, pour faire vite. Et c'est à ce moment-là que tous ces éléments sont théorisés, avec même l'apparition d'une formule très neuve, c'est l'idée qu'il faut définir constitutionnellement un quatrième pouvoir. En disant les trois pouvoirs, c'est législatif, exécutif et puis judiciaire, mais non, il y a un quatrième pouvoir. C'est justement le pouvoir ou les pouvoirs qui sont liés à ces formes de démultiplication et notamment à ces modalités de la surveillance que l'on peut ensuite décliner de bien des façons. Voilà donc, j'ai été plus long sur ce premier point parce que c'est sur ce point que ma réflexion et mon travail est le plus avancé, mais donc je viens de vous présenter ce qui serait un certain nombre d'éléments constitutifs d'un livre à écrire sur populisme et démocratie au XXIe siècle. Donc ça, c'est un premier travail qui pourra être lu, je pense, avant 2 ans. Un deuxième travail, toujours sur la démocratie comme forme politique. Je serai plus succinct maintenant dans la mesure où c'est des travaux qui sont plus en avant. C'est une réflexion sur les temporalités de la démocratie et les conditions dans lesquelles la démocratie peut remédier à ce qui a été sa tentation permanente, la préférence pour le présent. Et que cette réflexion sur le temps de la démocratie, évidemment, requiert une importance particulière à un moment où les questions écologiques invitent justement à penser l'introduction du long terme dans nos façons de raisonner et dans nos modalités de prise de décision. La préférence pour le présent, elle a été théorisée de façon constante comme un attribut essentiel de la vie démocratique. Dans le contrat social, Rousseau a une formule célèbre, il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir. Et on peut dire que ce jugement était constitutif de l'esprit des révolutions des deux côtés de l'Atlantique. La démocratie, elle en est fait d'abord libération des tutelles, rupture avec ce qui est imposé par la tradition, émancipation des lois de la nature. Elle se veut à l'inverse invention, création, et elle se liera pour cela au mot et à l'idée de progrès au XIXe siècle. C'est aussi tout simplement le sens nouveau que prend le terme de révolution à partir de cette période. Il ne faut pas oublier que avant le XVIIIe siècle, ou même jusqu'à pratiquement la moitié du XVIIIe siècle, le terme de révolution renvoyait à l'idée d'un mouvement cyclique, la révolution du globe, renvoyait à l'idée d'un mouvement récurrent. Et c'est un point sur lequel Hannah Arendt a justement insisté dans son essai sur la révolution, en montrant que la révolution sémantique, dans l'emploi du terme de révolution, avait été décisive et que c'est simplement avec la Révolution française que le mot a pris son sens contemporain de rupture historique, de mouvement irrésistible, de commencement surtout, de nouveau départ. D'où le rejet de tout ce qui ressemble au passé, le passé étant assimilé à l'ancien régime ONI et plus largement à des pesanteurs qui brisent l'élan, à des attaches qui brident l'imagination et l'action simultanément. C'est la formule fameuse de Rabault-Saint-Étienne pendant la Révolution, l'histoire n'est pas notre code. Et ce sera répété à satiété. Et les révolutionnaires français auraient volontiers fait leur les mots d'un Walter Benjamin qui appelait, je le cite, à dynamiter l'histoire. Et disait-il, à arracher le monde à sa continuité réifiée. Et plus encore, disait-il, à faire exploser son homogénéité en la truffant d'écrasite, c'est-à-dire de présent. Être démocrate et être révolutionnaire, ce qui était alors synonyme, voulait d'abord dire exalter le présent et ses virtualités, mettre à distance le passé. On a témoigné de façon exemplaire en France à l'adoption tout simplement d'un nouveau calendrier, hein, avec l'an 1 de la Nouvelle République, coïncidant en 1792 avec la chute de la monarchie. En Amérique, Thomas Paine et Jefferson donneront à cette préférence pour le présent des formulations qui resteront gravées dans les mémoires du pays. Le premier, dans ses droits de l'homme, 1791, Paine, soulignant avec vigueur, je le cite, que chaque génération doit avoir la même liberté d'agir dans tous les cas que les générations qui les ont précédées. Et la démocratie était donc d'abord une guerre contre le passé, une guerre contre les héritages, et une guerre contre tout ce qui imposerait aux générations à venir une mise sous tutelle qui les rendrait incapables de réinventer à chaque fois leur présent, qui leur lierait les mains. Et à partir de cette vision, toutes les démocraties ont ainsi fait leur les inquiétudes de Marx, les inquiétudes que Marx exprimera en dénonçant, je le cite, le fait que la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Et c'est Jefferson, ça la phrase est d'une importance quasi constitutionnelle aux États-Unis, qui dira « La terre appartient aux vivants, les morts n'ont aucun droit, ils ne sont rien ». Et c'est ce qui donnera d'ailleurs, expliquera la fascination pour le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, c'est la réinvention du monde, c'est la réinvention de la politique. J'en ai parlé brièvement à propos de la vision populiste, mais il était lié pendant la période révolutionnaire à l'idée que c'est le moment d'invention et que le pouvoir constituant veut dire rupture radicale avec le passé. Et l'un des pères fondateurs du droit français, Portalis, aura cette définition très symptomatique du pouvoir constituant. Il écrira « C'est la parole du Créateur qui commande une fois pour gouverner toujours. C'est sa main toute puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes après avoir donné le mouvement de la vie à tout ce qui existe. » Et un autre grand juriste de la période parlera dans le même sens du pouvoir constituant, je le cite, comme version sécularisée du pouvoir divin, de créer un ordre sans y être soumis. Donc c'est dire à quel point la vision démiurgique qu'il y a dans la démocratie de création pure du présent peut se lier à celle du pouvoir constituant. Et toute la critique du présentisme démocratique, dans un premier temps, a uniquement été une critique conservatrice. Seuls les conservateurs critiquaient ce présentisme démocratique. Et dans ce mépris du passé, un Chateaubriand dira dans son Génie du christianisme, ce mépris est un abominable sacerdoce. Et Lamennais, même qui pourtant sera à sa façon un révolutionnaire, dira qu'on ne peut pas aimer le peuple si on veut ignorer la puissance du temps. Et la vision conservatrice, c'est bien de cela. Un Tocqueville, d'ailleurs, fera de cette question du rapport au temps un des principaux axes interprétatifs de son analyse de la démocratie américaine, d'un point de vue anthropologique autant que d'un point de vue politique. En termes anthropologiques, Tocqueville a fortement souligné le lien qui unissait l'individualisme et la préférence pour le présent. Il s'agit dans les deux cas, en effet, d'une manifestation de détachement. L'individualisme, disait Tocqueville, dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse et de ses semblables, ce qui le conduit à ne rien attendre des autres et à viser à se suffire lui-même, tandis que l'absorption dans le présent elle met simultanément à distance dans le passé. Il y a donc là deux façons convergentes, dans l'adulation du présent et dans l'individualisme, disait-il, deux façons convergentes, selon son expression, de briser la chaîne. Ainsi, concluait-il, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Témoigne aussi pour lui de cette évolution la transformation du rapport à la croyance. Alors, disait-il, que le propre des religions, c'est de donner l'habitude de se comporter en vue de l'avenir. Le propre des religions, c'est de sacrifier le présent à l'avenir. Et au contraire, le propre de la démocratie, ce ne sera pas de se comporter en vue de l'avenir et de sacrifier le présent à l'avenir, mais de sacrifier l'avenir au présent en se détachant du passé, en appelant à se cantonner à l'immédiat. D'où, disait Tocqueville, une psychologie propre à l'homme démocratique qui l'oriente vers les succès faciles et les jouissances présentes, et le dote d'une ambition à la fois immense et imprécise. Mais le problème était aussi politique pour Tocqueville. Il tenait d'abord, de façon générique, au fait que le peuple souverain est guidé par les passions, passions structurellement changeantes, et non par la raison qui permet seule de mûrir de véritables desseins, et également du fait de l'instabilité législative et gouvernementale qui résulte de la volonté d'amener sans cesse des hommes nouveaux au pouvoir, ou encore de l'affaiblissement d'un exécutif soumis aux humeurs de l'opinion. Tout cela fragilise donc les régimes démocratiques et réduit ce qu'on appellerait aujourd'hui leur capacité de gouvernance. Et l'exemple de la politique étrangère, la politique extérieure, était à ses yeux le problème le plus emblématique de la fragilité démocratique. Tocqueville écrivait « C'est dans la direction des intérêts extérieurs de la société que les gouvernements démocratiques me paraissent définitivement inférieurs aux autres. La politique extérieure n'exige l'usage de presque aucune des qualités qui seront propres à la démocratie et commande, au contraire, le développement de presque toutes celles qui lui manquent. » Et de citer dans ce domaine, la nécessité de combiner des mesures en secret et d'attendre patiemment leurs résultats. La préférence pour le présent ne permet pas d'attendre patiemment le résultat. Et ce sera un des grands thèmes de la littérature libérale au XIXe siècle, comment mener une politique étrangère à l'âge de la démocratie. Et il y aura une forme de réponse qui sera donnée en Grande-Bretagne en même temps qu'en France. La diplomatie sera peuplée d'aristocrates. C'est-à-dire qu'on choisira comme diplomates des gens, justement, qui représentent en quelque sorte le temps long. Et ce sera, en France, ce sera un biais sociologique. En Grande-Bretagne, ce sera théorisé. Il y a un livre très célèbre sur le déclin de l'aristocratie britannique et qui refait cette longue histoire. Et à l'inverse, aux États-Unis, il y a eu toute une tradition de ce qu'on appelait l'open diplomacy, dont Wilson s'est fait le champion. Cette critique du court-termisme, elle sera en permanence au cœur des arguments démocratiques des courants royalistes, jusqu'au tournant du XXe siècle, avec l'idée de Barrès, par exemple, du suffrage des morts, avec la dénonciation de la faiblesse sociologique du monde libéral, qui va de pair pour eux avec son rapport défaillant au temps. Et ce sera le retour dans l'action française, ce sera un des grands, l'action française antidémocratique fondamentalement, ce sera un des grands thèmes de l'action française, l'hérédité rétablit un juste rapport au temps. Et donc l'hérédité est nécessaire pour penser et préparer l'avenir. Alors aujourd'hui, notre relation au temps, elle est totalement bouleversée par la conscience écologique, parce que cette conscience écologique réintroduit spectaculairement la question du long terme. Et comment réintégrer le temps long en démocratie, je dis bien en démocratie, et pas comment simplement réintégrer le temps long dans la vision de Charles Maurras. Eh bien, il y a plusieurs façons de concevoir la réintégration du temps long, et c'est ça un thème auquel je m'intéresse actuellement. Je fais des lectures et j'essaie d'y réfléchir. Il y a trois façons classiques de concevoir et de réfléchir à l'intégration du temps long. Une première façon, c'est une modalité qu'on appellerait, que je pourrais appeler institutionnelle. C'est de renforcer le rôle des institutions qui sont des institutions qui incarnent la permanence, et notamment l'État. L'État, y compris par des libéraux, a été défini au XIXe siècle comme le garant de la perpétuité sociale. Et cette vision d'un État gardien et garant de la perpétuité sociale, c'est le roi Beaulieu même qui, dans sa théorie de l'État, employait cette expression, est une façon de se situer dans la continuité de la théorie domaniale de l'État. Vous savez que la grande rupture dans la conception de l'État, c'est quand on sépare l'idée de domaine de l'idée de propriété du souverain. Et donc le domaine est, en quelque sorte, ce qui représente le temps des institutions, alors que la propriété personnelle du souverain, elle, elle est limitée. Donc, dans le droit politique, la théorisation du domaine royal est quelque chose de très important, et c'est un livre de Chopin qui, au XVIe siècle, a le premier, fait la grande synthèse, mais c'est dès Philippe le Bel qu'a été entreprise cette réflexion sur le propre du domaine royal à travers un exemple qui était permanent, c'est celui de la gestion des forêts. Parce que les forêts impliquent une gestion, dans certains cas centenaire, et encore aujourd'hui, l'ONF a des plans de gestion sur plus d'un siècle des grandes hêtraies et des grandes forêts de chênes. Bon. Et donc, c'était pris comme l'exemple, l'exploitation sylvicole. Il y a tout un ensemble d'ordonnances de Colbert qui portent sur l'exploitation sylvicole et qui est une réflexion sur les conditions dans lesquelles l'État se définit par le gestionnaire du temps long. Une deuxième façon de concevoir de manière plus politique l'insertion du temps long, c'était l'opposition des corps représentatifs permanents et des corps représentatifs tournants. J'appelle corps représentatifs, c'est moi qui formule cette distinction qui n'est pas reconnue encore, c'est, j'appelle corps tournant une assemblée qui se renouvelle régulièrement. Donc, on peut dire que tous les 5 ans, l'Assemblée nationale change en France. On peut appeler corps permanent une assemblée qui se définit par son renouvellement partiel. Et ce renouvellement partiel de l'Assemblée conduit à en faire un corps continu. Et c'est le cas dans de nombreux pays des Sénats. En France, le Sénat n'est pas simplement nommé sur une base différente, autre que le suffrage universel. Il est nommé par un processus de renouvellement partiel. Ce qui fait que le corps existe à travers ce renouvellement partiel. Et il y a eu toute une réflexion très riche aux États-Unis sur la spécificité qu'amène cette vision du corps permanent. Aux États-Unis, il y a eu ainsi un vote très important pour dire que lorsque des nouveaux sénateurs arrivent, ils n'ont pas le pouvoir de modifier le règlement du Sénat. Parce que le règlement du Sénat est celui d'un corps continu. Et donc, quand il y a un morceau du Sénat qui est renouvelé, il y a un nouveau Sénat, pourrait-on dire. Mais ce nouveau Sénat n'a pas le droit de modifier les règles du Sénat. Parce qu'il est considéré comme devant être un corps permanent et donc dont les règles de fonctionnement ne bougent pas. C'est une décision de 1975 qui, en termes juridiques, a amené justement à distinguer constitutionnellement un corps tournant et un corps permanent. Alors le problème, c'est que les corps permanents, généralement, c'est justement des corps non élus de sages ou de notables. Donc ils ne sont pas très populaires. Est-ce qu'il faut donc une représentation spécifique de l'avenir ? Est-ce qu'il faut une chambre du futur ? un sociologue de Sciences Po a parlé de la nécessité ou de la possibilité de mettre en place un parlement des objets. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une réforme du Conseil économique et social environnemental qui est en cours. Vous avez peut-être lu dans Le Monde une opinion de M. Bernasconi, qui est le président de ce Conseil, et qui s'oriente, je pense à la demande du président de la République, vers cette idée un peu d'une chambre du futur, en partie. Le grand problème, c'est que comment représenter le futur, les générations futures ? Il ne peut pas y avoir de représentants, de personnes qui n'existent pas. Dans la vision démocratique, à un moment, on considérait que le système familial permettait le vote familial, qui existait dans certains pays, comme la Belgique, le vote familial permettait d'inclure le futur dans le présent, parce que les parents avaient un nombre de suffrages lié au nombre d'enfants qu'ils avaient. Et donc, le vote, ce qu'on appelle le vote familial, et donc le vote familial incluait la prise en compte des enfants en présupposant que les parents, lorsqu'ils voteraient, voteraient en tenant compte des intérêts des enfants, puisqu'ils avaient des suffrages pour leurs enfants. Donc, c'était un débat très, très populaire à la fin du XIXe siècle. C'est moyen d'intégrer le temps long par le suffrage familial qui donnait des nombres de voix différenciés selon l'implication différenciée qu'on avait dans l'avenir. Si on ne représentait que soi-même, on n'avait pas d'intérêt à l'avenir. Si on avait des enfants, on avait intérêt à l'avenir. Donc on pensait que ça pourrait modifier les choses. Il me semble que ça n'est pas à travers des formes de représentation des générations à venir, mais à travers plutôt une conscience du long terme qu'il faut penser l'élargissement temporel des démocraties. Et c'est pour cela que dans un article, j'avais employé l'expression non pas chambre du futur, mais académie du futur. Le terme d'académie n'étant pas employé là dans le sens que certains pourraient trouver péjoratif s'il est ramené à l'Académie française, mais dans son sens originel, qui est de dire une académie est un corps au service de la société qui exerce une double fonction de vigilance et d'anticipation. C'est la définition de l'académie telle qu'elle est donnée dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc oui, nous avons besoin d'institutions qui exercent une fonction de vigilance et d'anticipation. C'est donc plutôt la conscience du long terme qu'il faut développer. Et pour développer cette conscience du long terme, il faut avoir une claire vision des obstacles à la conscience du long terme. Et il y a deux grands obstacles à la conscience du long terme. Il y a ce qu'on pourrait appeler un biais cognitif et ensuite un biais moral, psychologique et politique. Un biais cognitif, il est très important. C'est que dans une économie du doute et des certitudes, le présent est certain alors que l'avenir est indéterminé. Donc, le pur scepticisme joue là un rôle moteur pour accroître l'écart entre la valeur du présent et celle de l'avenir, et donc perturber en conséquence le jugement. Et que ce scepticisme invalide l'idée même d'un calcul. La préférence pour le présent, dans ce cadre cognitif, la préférence pour le présent n'est donc souvent qu'une des figures de la suspicion vis-à-vis de la science. Pour beaucoup, seul le présent est en effet dans l'ordre de la réalité, alors que la perception de l'avenir est, elle, tout entière gouvernée par l'opinion. Et donc, ce point, il est absolument essentiel, on le voit. Ce biais cognitif, il joue à fond en matière de climat et de discussion sur toutes ces questions de politique écologique. Où ça n'est pas l'indifférence au long terme ou le souci du long terme, mais c'est le fait de considérer le long terme comme étant du domaine de l'opinion et non plus du domaine de la science. Donc là, il y a ce biais cognitif, c'est quelque chose de très important et qui, évidemment, préoccupe beaucoup de monde actuellement, mais qui est trop peu souvent traité, justement, à partir d'une théorie du biais cognitif. Je crois que c'est très important de le faire. Ensuite, le biais moral, psychologique et politique. Penser le long terme, ça n'est pas simplement penser à ses petits-enfants à soi. C'est ce qu'on entend souvent dans le langage parlé. Penser le long terme et avoir une conscience du long terme, c'est acquérir la conscience d'être membre d'une humanité, c'est-à-dire d'un monde commun et d'une histoire humaine. Et là, on voit bien l'opposition avec le lien entre individualisme et court terme que faisait Tocqueville, par exemple. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Ce qui fait aujourd'hui défaut, ce n'est pas la conscience théorique du long terme. C'est que la conscience pratique d'appartenance à un monde commun, à une histoire humaine, fait défaut à l'âge du repli et des sécessions. Et l'écart est ainsi très fort entre une intelligence éventuelle des problèmes et une aptitude à en payer le prix. Je crois que là aussi, il y a un biais qu'il est nécessaire de construire et de reconnaître en tant que tel. Et au fond, on voit que les choses ne changent que quand le long terme devient un élément du présent. Je pense que dans le cas le plus spectaculaire, probablement, qu'on voit sur la planète aujourd'hui, c'est le rapport de la Chine à la question du CO2 lié aussi aux questions de pollution. Ce n'est pas l'avenir, c'est parce que l'avenir est dans le présent. Et donc, je crois que c'est sur ces deux tableaux-là, reconnaître la présence de l'avenir dans le présent, et c'est une conscience de l'avenir qui est liée à cette extension, en quelque sorte, de la conscience de soi, une extension de la définition de chacun. Et cette extension, elle a déjà du mal à jouer sur des générations proches, mais comment le concevoir sur le très long terme? J'appelle le très long terme un long terme qui se compte en dizaines de milliers d'années, voire en centaines de milliers d'années. Est-il possible d'avoir une conscience politique de centaines de milliers d'années? La question, elle est posée à travers les déchets radioactifs, parce que des déchets radioactifs ont une durée potentielle de vie de cet ordre-là. La difficulté dans ce cas, que ça n'est plus une conscience d'humanité qui est en cause, mais c'est une conscience ou un fait d'espèce humaine. Et quand on passe, vous savez, il y a un livre célèbre qui s'appelle « La troisième extinction », et qui parle justement de la troisième extinction, c'est l'espèce humaine. Mais la conscience d'espèce n'est pas de même nature que la conscience d'humanité. Le passage à la conscience d'humanité est déjà difficile, mais le passage à la conscience de l'espèce est plus problématique. Et il me semble très intéressant d'essayer de construire, à l'intérieur de la vision du long terme, cette distinction entre conscience de l'espèce et conscience d'humanité. Voilà donc quelques éléments sur une réflexion pour définir le rapport au temps de la démocratie, nécessaire, me semble-t-il, pour compléter une réflexion plus classique sur la démocratie, qui est toujours une réflexion de type procédural et institutionnel, et qui détache la démocratie, d'une certaine façon, de cette question du rapport au temps. Collège de France et France Culture vous présente l'historien-philosophe Pierre-Auzan Vallon, 1968-2018, aujourd'hui, Attentes et enjeux, suite et fin. Le second axe des travaux qu'il me semble nécessaire de mener pour réfléchir aux conditions d'entrée dans un troisième âge de l'émancipation, c'est la reproblématisation de la question sociale. Et après tout, la démocratie a bien ses deux dimensions, je n'ai cessé d'y insister. D'une part, la démocratie comme régime, et d'autre part, la démocratie comme forme de société. Là, je viens essentiellement de parler, sur ces deux points, du rapport au temps et puis de l'opposition entre démocratie polarisée et démocratie démultipliée, disons, compliquée. J'ai parlé de la démocratie comme forme politique. Maintenant, parlons-en comme forme sociale. Il y a deux dossiers constitutifs de cette question. D'une part, c'est celle du territoire de la démocratie. Et d'autre part, celle des formes et des institutions de la solidarité. Celle du territoire de la démocratie me semble avoir pris une importance tout à fait nouvelle avec la tendance contemporaine extrêmement puissante aux sécessions politiques. Aux sécessions politiques dont, évidemment, le débat sur la Catalogne est un exemple récent, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Regardons les débats récents qu'il y a eu, ne serait-ce qu'en Europe, concernant, en Italie, toute la pression sur le séparatisme nord-sud, ou en Grande-Bretagne, le rapport à l'Écosse. Et là, il y a une sorte de nœud de la théorie démocratique qui tient au fait qu'elle s'est liée historiquement à un idéal d'émancipation qui a d'abord trouvé sa traduction dans le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les révolutionnaires français s'étaient présentés comme le champion de ce principe. Et le premier exemple qu'ils ont donné, c'est en demandant aux habitants d'Avignon et du comtat venaissin de choisir leur avenir. Je rappelle qu'à l'époque, ça n'était pas du territoire français. Et donc, ils ont choisi, par un référendum célèbre, de rentrer en France. Et dans les territoires italiens libérés, je mets « libérés » entre guillemets tout de même, par les troupes de Bonaparte, là aussi, il y a eu des référendums d'autodétermination pour constituer ce qu'on appelait les républiques sœurs à l'époque. Et on a pu ensuite distinguer les quatre grandes vagues historiques d'autodétermination qui ont été le mouvement des nationalités au XIXe siècle, avec son grand premier moment qui a été le philhellénisme, c'est-à-dire quand la Grèce s'est émancipée de l'Empire ottoman, et puis ensuite le mouvement de 48, bien sûr. Ensuite, les grandes conséquences de la Première Guerre mondiale, avec le démantèlement des empires, Empire ottoman et Austro-Hongrois au premier chef. En troisième lieu, le mouvement des décolonisations des années 60-70, puis ensuite l'effondrement de l'URSS. Dans ces quatre grands moments historiques de l'autodétermination, il y a eu une sorte d'évidence de l'autodétermination. L'autodétermination, elle définissait en quelque sorte un retour à la normale, ou une sortie, pourrait-on dire, de la dépendance. Sortie de la dépendance pour les colonies, sortie de la dépendance pour ceux qui étaient prisonniers d'un empire, c'était vrai des Grecs, c'était vrai au XIXe siècle, et sortie de la dépendance, dernièrement, avec l'Empire soviétique, disons, pour faire très vite. Donc, dans tous ces cas-là, l'autodétermination était apparue comme une des modalités normales de mettre en œuvre, de mise en œuvre démocratique. On a en même temps un témoignage, une réflexion très précieuse sur cette question qui est celle qui a été développée par la personne qui était le négociateur américain à la conférence de traité de paix à Paris en 1918 à la fin de la guerre, qui s'appelle Lansing. Et il a publié des mémoires qui sont constituées par toute une réflexion sur les discussions qu'il y a eu autour de ce principe d'autodétermination à ce moment-là dans la conférence. Et à côté des autodéterminations évidentes, disons, comme celle que je viens de dire, allaient apparaître des problèmes tout à fait nouveaux. Et notamment, il y a toute une réflexion qui a été faite sur le passage des minorités, par exemple en Afrique du Sud, sur la situation en Palestine. Dans ses mémoires, il y a des textes de réflexion vraiment prémonitoires sur les problèmes qui allaient être posés par la notion d'autodétermination et par les conditions dans lesquelles ça allait être des mouvements de sécession qui n'étaient plus simplement des mouvements de retour à une normale, mais des mouvements de constitution sur une base nouvelle d'État-nation. Une base qui allait être une base d'homogénéité et non plus la base implicite de la théorie des États-nations. Je rappelle que la base implicite des États-nations était de dire que l'État-nation se définit comme la constitution d'un universel limité. Ça, c'est la grande théorie des États-nations, telle qu'elle s'établit à partir du XIVe siècle. Et cette théorie a eu sa formulation dans le principe qui disait « le roi est empereur en son royaume ». Ce qui voulait dire que dans son royaume, le roi est comme un empereur. Et le propre d'un empereur, c'était de gérer un monde composite. Et donc, les monarchies, d'ailleurs, les premiers États-nations, ils ont eu pour caractéristique de naître à la périphérie du Saint-Empire romain germanique. Les premiers États-nations, c'est la France, l'Angleterre et l'Espagne, c'est-à-dire c'est le pourtour du Saint-Empire romain germanique, qui, lui, est resté une mosaïque, disons, une mosaïque de principautés, une mosaïque de cités-États, une mosaïque de petits royaumes, mais avec cette forme de lien commun particulier qui était l'Empire. Mais c'est de dire que le royaume provient du fait qu'il y a une ambition qui n'est pas atteignable dans l'Empire. C'est que l'Empire est trop grand pour assurer la paix. Et donc, l'universel doit se limiter pour réaliser ses valeurs. C'est ça qui est la grande idée théorique de l'État-nation. Et d'ailleurs, on pourrait dire que ça peut être une façon aujourd'hui de penser l'Europe. L'Europe, d'un certain point de vue, peut s'appréhender ou peut éventuellement se définir par une tentative de constitution d'un nouveau type d'universel limité. Et de réussir sur un territoire limité, celui de l'Europe, ce que les Nations Unies ne sont pas encore capables de faire en termes de régulation, en termes de gouvernance, en termes d'espace de droit commun. Et on voit aujourd'hui, justement, se développer complètement de nouvelles modalités de l'idéal de sécession, non plus des sécessions d'émancipation, mais parfois des sécessions de protection et surtout des sécessions de distanciation. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des sécessions de protection. Ça a été le cas, je veux dire, des conditions dans lesquelles le Kosovo est devenu indépendant, c'est tout de même été cela. La fin de la guerre des Balkans, il y a eu cette dimension très forte. Mais la sécession de distanciation, c'est typique de l'Écosse, ou c'est typique, si l'on veut, aussi de la Catalogne. Mais cela renvoie à une définition complètement nouvelle à ce moment-là de la démocratie. C'est de fonder la démocratie non plus sur l'idée d'une gestion du pluralisme, mais de faire la démocratie considérée comme la gestion d'une homogénéité. Et donc ce rapport entre démocratie et homogénéité est devenu aujourd'hui, d'ailleurs à l'intérieur même de toute la théorie politique, quelque chose d'absolument essentiel. Car certains, c'est le cas notamment de beaucoup de spécialistes des pays scandinaves, analysent la puissance des États-providence telle qu'elle s'est développée dans les pays scandinaves comme ayant été implicitement liée au caractère spécialement homogène des sociétés scandinaves, homogénéité sociale et homogénéité religieuse. Donc là, on arrive dans une situation où, comme l'a dit Boutros-Ghali, si aujourd'hui chaque groupe ethnique, religieux, linguistique, économique prétend au statut d'État, la fragmentation du monde ne connaîtra plus de limites et la paix, la sécurité et le progrès deviendront impossibles à assumer. Et effectivement, des éléments de cette vision se développent, ce qui veut dire que derrière la, si la question des sécessions est une question décisive, c'est que derrière la question des sécessions, c'est celle du pluralisme des sociétés. Et que ce qui alimente les sécessions, c'est, pour simplifier, le fait de ne plus vouloir faire état-providence commun. Alors que l'état-nation, c'est une définition possible de l'état-nation démocratique moderne, c'est le fait d'être capable de constituer un état-providence commun. Et les sécessions, ben, c'est le refus de cela, parce que, bon, en tout cas dans les cas qui sont extrêmement nombreux, où ce n'est pas simplement un processus de réduction identitaire, mais où c'est un problème de résistance redistributive. La résistance redistributive est devenue aujourd'hui quelque chose d'essentiel, qui commence d'ailleurs à peine à être bien comprise en termes de fonctionnement à l'intérieur de chaque pays. La façon dont se mettent en forme ces résistances, par exemple par la constitution dans des communes, le refus de certaines formes d'intercommunalité. Il y a un certain nombre de géographes qui aujourd'hui commencent à examiner les tensions du territoire français à partir de ces tensions, des formes de redistribution et de ces petites résistances à la redistribution. Mais petites résistances à la redistribution qui, en termes de fiscalité locale, en termes de redistribution territoriale, jouent un rôle extrêmement puissant. Et donc, si ce phénomène des sécessions est appréhendé généralement à partir de la question de l'autodétermination, c'est bien à partir des résistances aussi à la redistribution qu'il faut le comprendre. Et c'est pour cela que ce phénomène est indissociable d'une réflexion sur la reproblématisation de la question sociale. Et c'est un dernier pôle autour desquels, enfin non, pour la période à venir, je compte organiser mon travail. J'ai publié, si l'essentiel des livres que j'ai publiés ont été des livres qui ont été consacrés à l'histoire et aux formes de la démocratie, en tout cas maintenant en termes statistiques, si je puis dire. Mais pourtant, les deux livres que j'ai consacrés à l'État-providence ont été, pour moi, des moments très importants et clés de mon travail. C'était « La crise de l'État-providence » en 1981 et le livre « La nouvelle question sociale » en 1995, qui ont été deux livres consacrés à l'épuisement des formes institutionnelles tant de la légitimité de l'État-providence que concernant l'évolution de ses finalités, pourrait-on dire, de la gestion des risques à l'accompagnement des personnes, pour simplifier. Et ce travail sur la question sociale, qui à l'origine était presque le plus important pour moi, maintenant il s'est inséré dans le cadre plus large de mon travail sur la démocratie, démocratie comprise, comme une forme de société. Et c'est le sens du travail que j'ai publié sous le titre « La société des égaux », qui a essayé de construire explicitement une théorie de la société démocratique. Et une théorie de la société démocratique fondée sur une conception positive de l'égalité. Et non pas simplement, ce qui est beaucoup plus large, que toutes les problématiques traditionnelles de réduction des inégalités existantes, soit des inégalités de revenus, de patrimoine ou diverses. La question de l'égalité n'a longtemps été abordée qu'à partir d'une réflexion sur la réduction des inégalités, sans qu'il y ait de théorie positive de l'égalité. Et c'était le but de cet ouvrage. Aujourd'hui, les transformations du capitalisme, celles du marché du travail, de l'organisation des territoires, autant que les attentes des citoyens, amènent à concevoir, dans des termes nouveaux, la question de la solidarité. Et je me propose d'explorer ces termes nouveaux de la question de la solidarité en partant d'une typologie historique des ressorts de l'organisation de la solidarité et de voir comment ils ont évolué. Je distinguerai trois ressorts principaux. les ressorts qui sont de l'ordre de la reconnaissance d'une dette sociale. Ensuite, les ressorts qui tiennent à des modalités du partage de ce qui est indivis ou non attribuable. Et enfin, troisième famille de ressorts, ce sont les ressorts qui consistent à activer le principe d'égalité, à lui donner forme. D'abord, la reconnaissance d'une dette sociale comme fondement d'une action de solidarité. Historiquement, il y a eu deux grands types de dettes qui ont été reconnues, et reconnaissance sur la base de laquelle il y a eu des institutions. D'abord, ce qu'on pourrait appeler une dette d'humanité. La dette d'humanité, elle se traduit par le fait que l'on se donne comme objectif d'empêcher que des individus ou parfois des groupes soient expulsés en dehors de la condition humaine, en dehors de l'humanité. Et comment peut-on, est-on pratiquement expulsé de la condition humaine ? Bon, on est expulsé de la condition humaine si, tout simplement, on meurt de faim. Ou si on est menacé de génocide. Ou si l'on est menacé dans la guerre. C'est aussi, donc, cette dette d'humanité, elle conduit à honorer, pourrait-on dire, les conditions vitales minimales du maintien dans l'humanité, c'est-à-dire être nourri et vêtu. Et là, on peut dire que c'est la grande histoire de la charité. L'histoire de la charité, c'est celle-là. C'est celle des conditions dans lesquelles on doit assurer le maintien d'individus dans l'humanité. Donc, en les nourrissant, et sur la base du fait qu'on reconnaît tout individu comme un prochain. C'est l'expression de l'Évangile. Mais cette expression de l'Évangile, c'est celle qui est sous-jacente, pourrait-on dire, à toutes les techniques de l'assistance. Ou quand vous voyez récemment les Restaurants du Cœur qui dit « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid », cela définit, justement, ce que j'appelle ces conditions vitales minimum de maintien dans l'humanité. C'était les cours du Collège de France le 7 février 2018. Vous venez d'écouter Pierre-Auzan Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, attentes et enjeux, suite et fin. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Auzan Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous restons dans l'histoire présente. Je vous propose d'entendre la contribution d'Emmanuel Carrère sur littérature et journalisme dans le cadre du séminaire d'Antoine Compagnon. Nous écouterons d'ailleurs à partir de lundi la suite de sa série consacrée à la littérature comme sport de combat. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.